Négrodiox, flot des mots. 2LC, on se tabasse avec la vie. Pour nos apprentis, pour des programmes, face au miroir. Face au miroir, je prends la plume, l'écriture devient populaire. Combat l'élite, cela qu'appare constat multiséculaire. Vie organisée pour nous faire croire qu'il existe des forts et des faibles. Les forts manient les codes, les faibles ne comprennent pas les règles. J'ai hérité d'un truc dans le ventre, un petit trou dans le tube d'un narguilé. Épine dans la chambre à air, j'ai le doigt dessus, je peux pas me dégonfler. Blessure d'une famille prolétaire, j'ai bien cicatrisé. Je ne compte plus à combien de reprises Mariana a essayé de m'inciser, exorciser mes peurs. Le jour des obsèques de mes colères, en apnée sous la mer, reprendre une grande bouffée d'air en tant que père. Transmettre les fondements de cette règle. Chacun abrite le fort, chacun abrite le faible. D'où me vient cette façon de me montrer vieux ou solitaire, doublé d'un charisme de sauvage sur qui planerait le mystère. Avec cette façon de me montrer, plus rien à démontrer. Face au miroir, regard sincère, la peur du vide est démontée. On se tabasse avec la vie, tellement on l'aime. Pour nos apprentis, nos repentis, on sème nos graines. Pour les programmer à s'enliser dans leurs problèmes. Face au miroir, regard sincère, on s'entraide. On se tabasse avec la vie, tellement on l'aime. Pour nos apprentis, nos repentis, on sème nos graines. Pour les programmer à s'enliser dans leurs problèmes. Face au miroir, regard sincère, on s'entraide. Je te parle à toi que je vois dans mon miroir. Apprivoiser son reflet n'est pas si clair, je me vois dans le brouillard. Regarde le fond de mes yeux, je dois affronter mes cauchemars. Introspection, la bête est malade. La guette, je m'évade, machiavélique, la crise est une balade. Pas le cœur à la fête, ma tête n'est pas là. Miroir, miroir, je t'affronte, je ne suis pas lâche. Je tisse un lien comme l'araignée, agrippée par des spasmes. Habité, je lâche les gaz, je ne suis pas seul. Folie, sagesse, partage l'espace. Apprivoiser ses peurs me demande un double effort. Je fracasse le masque, je ne joue aucun rôle. Parfois j'ai mal, nage le crawl dans des larmes, la colère cachée derrière un air calme. Je suis un peu toxique, sortez les masques à gaz. Aucune mascarade, on serre les coudes. Pas pensable qu'on se laisse en rade. Dépose mes poids sur la corde raide. Besoin de s'éprouver, de toucher le fond pour se retrouver, c'est gang. Besoin de s'éprouver, de toucher le fond pour se retrouver, c'est gang. Je suis fatigué, patron. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Avec la vie, tellement on l'aime. Pour nos apprentis, nos repentis, on sème nos graines. Pour les programmer à s'enliser dans leurs problèmes. Face au miroir, regard sincère, on s'entraide. On se tabasse avec la vie, tellement on l'aime. Pour nos apprentis, nos repentis, on sème nos graines. Pour les programmer à s'enliser dans leurs problèmes. Face au miroir, regard sincère, on s'entraide.